Mercredi 30 septembre, 18h30, Licht-Merlicht. À l'étage, comme dans tous les étages des Baumettes, le courant saute très régulièrement. Les installations ne sont vraiment pas aux normes. Je crois, Jean-Marie l'a signalé au gardien, qui passe le samedi dans chaque cellule pour noter les dysfonctionnements. Il note, bien entendu, mais ça ne change rien. Il faut bien que les surveillants s'occupent le week-end. Chaque cellule ne dispose que d'une seule prise sur laquelle on branche le frigo, la télé, le toto, et tout le reste, si reste il y a. Dans notre cellule, Jean-Marie nous a par exemple installé trois lampes supplémentaires, deux de chevet pour nos couchettes, et une au-dessus de la table. Tant de lumière, là où il y a tant d'ombre, aurait objecté Goethe, si jamais on l'avait par mégarde placé au deuxième nord, je plaisante. Pour lire, cher Goethe, pour lire. Peut-être ainsi avons-nous la cellule, la plus illuminée de l'étage. La prise électrique devrait normalement être reliée à la Terre, mais ici elle ne l'est pas. La Terre, c'est nous. En ouvrant le boîtier, afin d'y chasser les nids à cafards qui s'y nichent, Jean-Marie s'est rendu compte qu'il n'y a aucun fil de terre. Les sales bestioles auraient pu nous alerter. Décidément, elles ne nous servent à rien. Je comprends pourquoi je prends régulièrement une décharge en touchant le toto ou la casserole. Même en tongs, je m'électrocute. Bon. Pas trop quand même, ça ne me tue pas, ça me réveille. Ce n'est pas le supplice de la chaise électrique. À ma connaissance, personne n'a encore été exécuté de la sorte aux Baumettes. Régulièrement, les cellules se retrouvent sans courant. Il y a pourtant deux circuits distincts, celui qui alimente l'éclairage, une lampe par cellule, et celui qui alimente la prise électrique. Un troisième circuit devrait normalement permettre aux gardiens d'allumer une veilleuse la nuit, afin de contrôler que les détenus soient bien là vivants. À ma connaissance, cette veilleuse ne fonctionne dans aucune cellule du deuxième nord. Ainsi les gardiens qui font leur ronde de nuit, reproduisent un geste inutile, à chaque porte. Pousser l'œil au ton et ne rien voir de ce qui se passe, ou s'est passé, dans le noir. Ils font ça devant nos 50 portes, trois fois au moins jusqu'au petit matin. Un geste mécanique, inutile, dénué de sens. Ah quel dur métier que d'être fonctionnaire au château. L'avantage, c'est qu'en général, tout ne saute pas en même temps. C'est un circuit ou bien l'autre. Les deux en même temps c'est plus rare. Quand c'est le circuit d'éclairage, il reste la télé qui fonctionnait le petit frigo. Et inversement. C'est technique, presque mathématique. Quand c'est le circuit de la prise électrique qui disjoncte, les réactions des détenus sont plus promptes, surveillants. Wow. Surveillants, et pour faire bonne mesure, afin qu'on nous entende bien, on rajoute de grands coups de pied dans les portes. C'est vrai que de priver les taulards du film de Canal+, est une atteinte aux droits de l'homme, du mal, je veux dire. Et plus encore les spoliés du match de l'OM, l'équipe de football locale. La télé en prison, c'est comme la cigarette, un droit fondamental. La vétusté de l'installation se conjugue à diverses pratiques, qui occasionnent ces coupures très nombreuses. Parfois, on dit même que ce sont peut-être les gardiens, qui par amusement couperaient le circuit. Drôle d'idée ma foi. Plus sûrement, il y a des surtensions au niveau de la seule prise d'alimentation, où on branche tous les appareils. Plusieurs cellules possèdent aussi une plaque de cuisson électrique, ce qui fait grimper la consommation. Enfin, il y a des pratiques plus ou moins orthodoxes. En particulier, l'utilisation, par certains, de toto pirates. De nombreux détenus n'ont pas les moyens d'acheter un toto, ou de remplacer leur toto grillé. J'en ai fait l'expérience, un oubli de quelques minutes et hop, plus de toto. Faire son toto pirate soi-même. C'est Damien, le jeune dégourdi de l'étage qui m'a donné la ficelle. Je la livre sans l'avoir expérimenté. Si vous ne craignez pas une coupure de secteur dans votre quartier ou votre village, vous pouvez vous lancer, c'est simple. Le toto pirate consiste tout bêtement à dénuder deux fils électriques, et à les plonger dans l'eau, anode et cathode. Normalement, à ce que m'affirme Damien, ça doit chauffer. Le plus souvent, ça fait tout sauter. Damien, me l'avoue, c'est l'équipement qu'il a dans sa cellule. Comme il n'y a pas bien entendu de disjoncteur au niveau de chaque cellule, les disjoncteurs sont partravés. Il suffit qu'une cellule disjoncte, et ça toute la moitié du quartier, qui se retrouve dans le noir, ou sans télé. Selon la bonne volonté et la présence ou pas d'un surveillant, l'électricité revient dans la demi-heure, ou l'heure, ou le jour, qui suivent. Ça dépend. Parfois aussi, le brave gardien essaie de rebrancher le système qui ne veut pas obtempérer, et qui redisjoncte immédiatement. Quelqu'un a dû laisser brancher son toto pirate. C'est ça aussi les Baumettes, un vieux château plein de charme. Heureusement, nous, dans notre cellule, avons Jean-Marie trouve tout. Jean-Marie a su constituer un circuit de secours en deux tours de main. Il nous a même installé une prise supplémentaire branchée sur le circuit d'éclairage. Rarement donc nous trouvons-nous dépourvus de lumière ou de télé. Nous sommes sûrement la cellule du deuxième Nord, la mieux électrifiée et la mieux éclairée. Ceci grâce à l'ingéniosité de Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Je ne regrette à présent qu'une seule chose, c'est qu'il ne soit aussi plombier. Il pourrait alors tout aussi bien nous installer l'eau chaude et la douche en cellule. Et pourquoi pas un jacuzzi ?